Gator de France 2002. Elle juge 1. La rue se demande ce qui se passe, qu'elle doit pousser vers le haut, car sur les bords des femmes un tas de merde s'en tasse. Mes négros veulent la force, le truc est fait boum dans le corps. Du rap au danse, pas lu la vérité et le score. Se brasse et la pulsion vient en bas, les morts se torchent et le ghetto augmente les watts dans le transistor. La rue écoute, la rue observe, la rue juge et brise les carreaux quand le son est trop hardcore. J'rappe fort, fais peur aux faibles. 2002, restons à table, ceux qui ont le manche et mes clins de fable. Verront leur sang couler de la fontaine, on donne à graille. Un millier de renards, c'est la jungle. J'kick même sans dents, des couplets sanglants, freestyle semblant. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Les mythos sont en deuil, la vérité frappe à leur porte comme la mort. C'est la merde, j'ai dit que leur rap était cuit. Les balles trank fly, quand nos bouches font clic clic. On a des Beretta à la place de la mâchoire. On s'implique, des villes entières qui nous supportent. Et quand on éclate, la terre vibre. On a des disques d'or, on brille négro. Mais on n'oublie pas qu'elle juge. Et se sent blessé quand y'a de la merde qui se fait. Bacardi pour vous servir un nouvel acte, hein. Tous les départements viennent à nous, l'ambiance et les cris de nos clics gênent. C'est avec classe qu'on engraine tous ceux qui se plaignent. Une pensée aux prisonniers de la santé, fleurie ou freine. On débarque, y'a nos gueules sur toutes les chaînes. Dans les halls et les blocs, on entend que des cris viennent. Quand ils acquiescent, tout le monde crie, faut que ça saigne. Et celui qui veut test, veut qu'il vienne. Tout le monde est à l'écoute des derniers albums, des derniers freestyles, des derniers clashs de rap français. Un recommencement après le succès. On se doit de reprouver, négro. On a beau polémiquer, mais le rap vient de là. Rendons au tchécar ce qui appartient au tchécar avant de péter les carreaux et franchir les barrières. Faut s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut derrière. Je viens du 19ème, je rappe au 7-8, 9-5, 9-2, 9-3, 9-4 et 7-5. Et tous ceux que j'oublie, ils se reconnaissent dans mes écrits. Je représente trop de gens dans l'industrie, je suis pas une star, juste un mec du ghetto reconnu. C'est une question de temps car on m'appelle le rappeur 5 étoiles. Je rappe vénère, je rappe mes nerfs et les vôtres. Je ramène une ère, un nouveau souffle, c'est volé. Pourquoi la masse me soutient? Parce que je vous parle et stop ces états d'âme. La rue juge nos écrits, reste à l'écoute, puis ton mic, le bordel est garanti. Tous les départements viennent à nous, l'ambiance et les cris de nos clics gênent. C'est avec classe qu'on engraine tous ceux qui se plaignent. Une pensée aux prisonniers de la santé, fleurie ou freine. On débarque, y'a nos gueules sur toutes les chaînes. Dans les halls et les blocs, on entend que des cris viennent. Quand ils acquiescent, tout le monde crie, faut que ça saigne. Et celui qui veut test, ben qu'il vienne. Tous les départements viennent à nous, l'ambiance et les cris de nos clics gênent. C'est avec classe qu'on engraine tous ceux qui se plaignent. Une pensée aux prisonniers de la santé, fleurie ou freine. On débarque, y'a nos gueules sur toutes les chaînes. Dans les halls et les blocs, on entend que des cris viennent. Quand ils acquiescent, tout le monde crie, faut que ça saigne. Et celui qui veut test, ben qu'il vienne.